sociale chez la dispute en 2012. Et également en 2012, Freud, sociologue, dans les bords de l'eau, dans la collection Psychanalyse sociale et politique que nous dirigeons avec Philippe Chagnal. Et donc, son dernier ouvrage, c'est Penser le néo-capitalisme, bi-capital et aliénation, en 2013. Je pense que ce dont tu vas nous parler, c'est un petit morceau de cet ouvrage. Le titre qui nous a donné Stéphane, c'est « La dimension psychosociologique de l'interprétation du néo-capitalisme. Dans quelle mesure a-t-elle besoin de recourir à la notion de surmoi ?» On y va. Merci Karina, je suis très content d'être présent à ce séminaire et effectivement l'interrogation sur les liens qui peuvent exister entre la théorie sociale et la théorie du psychisme et en particulier sous sa forme psychanalytique constitue quelque chose qui continue à m'intéresser beaucoup même si on ne peut pas tout faire et que j'ai travaillé sur d'autres champs plus récemment. Il y a toute une série de problèmes qui nous viennent en partie de l'héritage freudo-marxiste et mon idée c'est que s'il semble difficile aujourd'hui de reconduire dans son intégralité hein, le projet d'une synthèse qui occuperait tout l'espace en quelque sorte entre freudisme et marxisme, il y a encore des traces, des éléments, des fragments hein, de ces projets anciens qui méritent d'être réactivés. Bon, moi je m'inscris effectivement dans la perspective qui est clairement celle d'une psychologie historique, hein, c'est-à-dire d'une interrogation sur les transformations et les formes différentielles de construction du psychisme humain tel qu'on peut les voir dans l'histoire, hein, sous leurs formes différentes. Et j'ajoute, ça c'est le cadre général de cette partie de mon travail, le concept de capitalisme et l'interrogation sur le devenir du capitalisme me semble pouvoir constituer encore aujourd'hui une bonne façon de commencer dans ce domaine-là. Donc au fond, comment peut-on, eu égard au caractère désormais incontournable de la notion de capitalisme pour expliquer le temps présent, comment peut-on reconstruire quelque chose qui s'inspirerait ou qui relayerait d'une manière ou d'une autre l'inspiration du freudo-marxisme. Alors, c'est précisément la question du surmoi, hein, la question du surmoi qui me paraît pouvoir occuper le rôle de la fonction de test hein, pour toute cette histoire, et plus précisément un des aspects particuliers de la notion de surmoi. Je crois qu'ici, chacun et chacune se souvient de la particularité et de la totale étrangeté hein, qui est liée à la notion de surmoi chez Freud. Vous vous souvenez que ce qu'il y a de particulier dans la notion de surmoi chez Freud, c'est qu'elle lie une interrogation tout à fait classique et tout à fait compréhensible autour, disons, de la socialisation, hein, de comprise à travers le biais de l'intériorisation, qu'elle lie donc une interrogation intuitivement tout à fait compréhensible lié à la notion d'intériorisation et de socialisation, a une certaine vision pathologisante. Hein. L'idée, au fond, c'est qu'il y aurait un lien obscur entre un rapport pathologique à soi, en l'occurrence un rapport cruel, un rapport destructif, un rapport empreint des traces de la pulsion de mort, et la notion d'intériorisation ou de socialisation elle-même. C'est cette étrangeté de la construction freudienne du surmoi, qui, encore une fois, ne peut pas s'intégrer harmonieusement dans une construction, dans une conception harmoniciste de l'intégration des individus à la société, qui me semble devoir aujourd'hui pouvoir être revisité eu égard à certains paramètres que l'on peut identifier à partir du devenir du capitalisme. Alors, il faut dire d'abord que la notion de surmoi telle qu'elle est élaborée dans le grand texte de Freud, Le Moi et le Ça, 1923, est aujourd'hui historiquement loin d'être évidente pour la raison suivante. Elle semble historiquement irrévocablement liée à un instinct intermédiaire de la modernité disciplinaire dans lequel les individus étaient soumis à des réflexes conformistes et répressifs puissants. Le surmoi, instance paralysante d'autocritique, hein, c'est ainsi qu'il est décrit dans le texte de Freud, porte apparemment, hein, si on veut l'historiciser, la marque d'une émancipation très imparfaite de l'individu par rapport aux contraintes de la morale post-chrétienne, hein, que la société bourgeoise du 19e siècle avait reliée. La question qui se pose, c'est y a-t-il des traces de ce surmoi, avec les nuances non seulement répressives et autoritaires, mais aussi cruelles, autosadisme, hein, dit Freud, avec les nuances répressives, autoritaires et même cruelles que Freud lui associait, y a-t-il des figures du surmoi qui puissent être qualifiées de spécifiquement ou d'encore contemporaines sur le plan historique? Alors posant cette question, nous tombons tout de suite sur une vaste tradition de pensée, hein, qui, à mon sens, a vraiment légitimé le genre de la psychologie historique. Nous tombons sur tout un pan de la réflexion contemporaine qui a été initié à partir de l'œuvre de Christopher Lasch, hein, dans les années 1970. Au fond, un ensemble de propositions relevant de la psychologie historique selon lesquelles, n'est-ce pas, ce qui compte désormais, c'est le narcissisme plus que le surmoi, avec l'idée que les formes narcissiques du rapport à soi et du rapport au monde ont désormais évincé tout ce qui pouvait relever, disons, de la cruauté surmoïque ou de la répression surmoïque. Alors cette tradition initiée par Christopher Lasch, elle a trouvé des échos très importants en France, en particulier dans l'œuvre de Charles Melman, hein, L'homme sans gravité, hein, qui est probablement un des ouvrages les plus construits autour de cette vision-là, avec l'idée que nous serions passés à un autre stade de la modernité, radicalement hétérogène au précédent, lequel aurait été diagnostiqué par Freud, un stade tout à fait nouveau de la modernité, en gros défini par un hédonisme post-répressif qui aurait laissé derrière lui toutes les traces de la répression patriarcale et oedipienne qu'avait diagnostiqué et peut-être absolutisé Freud. À l'âge de la déculpabilisation radicale, voire à l'âge de la déculpabilisation obligatoire, elle-même parfaitement légitimée sur le plan sociologique, tout ce que Freud avait noté autour de l'idée que, n'est-ce pas, qu'une partie de la socialisation de l'individu repose sur l'intériorisation de mécanismes d'autocontrainte et d'auto-agressivité, tout cela n'aurait plus du tout d'actualité. On pourrait historiciser radicalement la thématique du surmoi, la renvoyer à un stade dépassé de la modernité. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de nuancer cette idée-là en défendant la thèse intuitive très simple, selon laquelle la thématique du rapport de cruauté à l'égard de soi-même, hein, le rapport de négation à l'égard de soi-même, reste éclairant pour une part du paysage contemporain, et qu'une psychologie historique qui n'oublierait pas la spécificité de l'âge contemporain pourrait se permettre de relier quelques aspects ou quelques traces de cette conception freudienne ancienne, selon laquelle, encore une fois, la socialisation de l'individu passe par l'intériorisation de rapports critiques, dit Freud, c'est-à-dire répressifs, pourrait-on dire, à soi. Alors, ce qu'on peut noter à ce propos, bon, c'est que c'est par cette voie-là que j'espère pouvoir montrer que la thématisation du capitalisme peut continuer à jouer un rôle important dans toute cette affaire, et que la théorie sociale peut, pour une part, suivre le fil conducteur d'une analyse du capitalisme et de ses métamorphoses, cela dit en écartant toute vision à la fois substantialiste et diabolisante, hein, du capitalisme. Il ne s'agit pas du tout de définir cette entité par une puissance de configuration qui porterait à la fois sur les individus et sur les rapports sociaux, sans reste et sans résidu. L'enjeu, c'est effectivement de contribuer à élaborer un concept de capitalisme qui soit soulagé, qui soit libéré de toute position, on va dire, totalitaire, hein, qui ne suppose pas, plus que de raison, sa capacité à conformer ex nihilo, de façon démiurgique, les rapports sociaux et les individualités. Alors, plusieurs choses peuvent être notées à cet égard. La première, c'est que une partie de la de la sociologie du travail, une partie des travaux relevant de l'analyse du travail contemporain permettent à certains égards de renouer avec, avec cette problématique. Il y a quelque chose qui s'est dessiné, à mon sens, dès les années 1970 dans la sociologie française, à partir d'un livre aujourd'hui assez oublié, assez méconnu, hein, le livre de Max Pagès et de ses collaborateurs, qui s'appelait « L'emprise de l'organisation », une tradition de pensée psychosociologique, hein, de psychosociologie tournée vers le monde du travail, qui se prolonge actuellement dans l'œuvre de certains auteurs comme Vincent de Gojac, par exemple. Mais au lieu de décrire l'histoire de ces traditions de pensée, je vais essayer d'aller au cœur. Il me semble que ce qu'il y avait d'intéressant dans ces traditions-là, c'est qu'elles essayaient de réfuter, dans un contexte qui est assez différent du nôtre, hein, c'est plutôt les années 1970, c'est ces traditions de pensée essayaient de s'opposer à l'idée selon laquelle nos sociétés seraient vouées à devenir technocratiques, au sens fort de sociétés gouvernées par des principes abstraits, purement anonymes, complètement émancipés du champ des motivations, des désirs et des engagements individuels. L'idée de ces auteurs, hein, l'idée intuitive de ces auteurs, c'était que les organisations, hein, c'était le mot qu'on utilisait, mais qui se tournait essentiellement vers l'univers de l'entreprise, l'idée c'est que avec le concept d'organisation et avec l'idée d'une organisation post-autoritaire, c'est-à-dire en train de devenir post-taylorienne ou d'essayer des voies du dépassement du taylorisme, pardon, on pouvait voir comment le psychisme individuel constituait un maillon, constituait une médiation nécessaire dans la construction et dans les formes de socialisation différentielles qui pouvaient s'observer dans ces terrains-là. On peut le dire très clairement, il y a un moment d'engagement, il y a un moment de mobilisation de la subjectivité qui, selon ces auteurs, était nécessaire au fonctionnement même de l'organisation. Or, cette mobilisation de la subjectivité ne supposait pas tant une conformation, une espèce d'inculcation de normes abstraites auxquelles l'individu devrait se conformer pour devenir un rouage docile de l'ensemble de la machine. Non, ça allait creuser plus profond dans la subjectivité, ça allait creuser plus profond dans le psychisme, au point où quelque chose qui, d'une certaine façon, pouvait être pensé comme à la frontière de la société, se trouvait mobilisé. Une autonomie du psychisme était reconnue, hein, dans ces traditions-là, une autonomie qui certes, n'avait de sens que pour alimenter un système qui l'embrigadait. Alors, l'idée générale de ces auteurs, hein, de Max Pagès, hein, avec cette vision très psychosociologique des choses, c'était que le propre de l'organisation dans ce monde-là, dans ce monde qu'on peut rétrospectivement qualifier de quasi post-taylorien, était de fournir aux individus un idéal du moi, hein, c'est là le thème qui revenait, un idéal du moi clairement tourné vers, disons, la réalisation de buts exaltants et de buts hyper valorisants. Bref, l'organisation ne fonctionne pas à l'inculcation de la passivité, de l'obéissance passive, pardon, hein, ne fonctionne pas à l'inculcation de l'obéissance passive, elle fonctionne plutôt à la capacité de fournir aux individus des idéaux du moi, hein, c'était bien le thème freudien qui était utilisé par ces auteurs, d'idéaux du moi tournés vers la conquête, vers l'excitation, tout ça complétant la gestion organisationnelle et managériale tout à fait traditionnelle. Bref, pour ces auteurs, dans le capitalisme avancé, hein, c'était encore une des expressions typiques de l'époque, l'exploitation et l'intégration sociale ne s'opposait plus si cette intégration sociale était conçue comme la capacité, encore une fois, à mobiliser et à tonifier un élément d'excitation et d'engagement qui était déjà présent, un idéal du moi qui implique certes conformisme, mais un conformisme qui n'est pas celui de la passivité. Alors, c'était intéressant ces ces analyses-là, parce qu'elles anticipaient des approches qui sont devenues plus célèbres, en particulier à partir du livre de Boltanski et Chiappello sur le nouvel esprit du capitalisme. À mon sens, c'est un des précédents les plus intéressants de cette affaire-là, même si ça avait cette particularité de se servir d'un vocabulaire freudien, c'est-à-dire de pouvoir peut-être mieux entrer dans les moments psychologiques que toute cette affaire requiert. Néanmoins, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'opposition freudienne entre l'idéal du moi, qui est tourné vers la positivité, qui est quelque chose qu'on imite et auquel on essaye de se conformer parce que c'est valorisant. L'opposition freudienne entre l'idéal du moi et le surmoi, qui lui est tourné plutôt vers l'autorépression, l'autonégation, fait écho à un rapport à soi de condamnation, de jugement, à un moment nietzschéen de rapport négatif à soi-même, il me semble que cette opposition-là peut revenir sur le terrain de la discussion. Il me semble que ce qu'on peut dire, c'est que une partie de la sociologie contemporaine du travail a essayé de montrer, en complément ou contre ce que voulaient dire les auteurs que j'ai nommés comme Pagès ou de Gaulle-Jacques, que la socialisation des salariés des grandes organisations ne se faisait pas simplement à coup d'idéal du moi, mais aussi grâce à des formes clairement surmoïques, non pas le fait de proposer des idéaux excitants et exaltants aux individus, mais aussi à l'auto-répression et à l'auto-négation. Alors ça, très clairement, c'est plutôt les psychosociologies ou les sociologies du travail tournées vers la critique des formes nouvelles de la dépendance et des formes nouvelles de l'aliénation qui font ça. Pour en rester encore au champ francophone, les écrits de Jean-Pierre Durand, par exemple, La chaîne invisible, font ça de façon très intéressante. Et avec un style plus psychologisant ou plus freudien, Christophe de Jour aussi peut être décrit comme quelqu'un qui s'engage sur ces terrains-là. Pour le dire très clairement, ces auteurs prolongent cette intuition. Cette intuition que l'on peut qualifier d'anti-bourdieusienne, même si la portée de cette objection n'est pas si générale qu'on pourrait le croire, cette objection anti-bourdieusienne qui consiste à dire que dans les sociétés modernes, il existe des espaces, et l'organisation, l'entreprise forme un de ces espaces, il existe des espaces où, l'intégration sociale ne fonctionne pas à coup d'habitus stabilisés et silencieux, mais fonctionne à coup de demandes incessantes adressées à l'individu, où l'individu est plutôt inquiété par des demandes de conformité qui sont insaisissables et toujours renouvelées, plutôt qu'à une appartenance tranquille et silencieuse à des champs qui seraient marqués en lui par des habitus durables et devenu naturalisé. Ce que l'on pointe sur le plan empirique, c'est effectivement des phénomènes très simples d'autocontraintes, d'autocontraintes telles que les nouveaux dispositifs néolibéraux les ont diffusés, propagés et légitimés dans l'entreprise. Pour prendre des exemples à la limite de la caricature, mais ces caricatures semblent se vérifier empiriquement de façon récurrente, le culte néo-managérial de l'excellence, sur fond de concurrence inter-individuelle effrénée, l'idée d'une fuite en avant, d'une course en avant, d'une escalade, d'un emballement que certains salariés peuvent en quelque sorte développer, un syndrome d'hyperconformité accéléré. Tout ça, c'est les phénomènes empiriques très fréquemment notés en sociologie du travail qui peuvent se référer à cette affaire-là. Et d'après les descriptions que donnent ces auteurs, il ne semble pas difficile de rapprocher ces phénomènes-là, disons d'une puissance d'autocontrainte, de type quasi surmoïque. C'est comme si en quelque sorte l'espace de jeu entre l'idéal du moi tourné vers la positivité et le surmoi tournée vers l'autocritique et l'exigence effrénée, hein, l'exigence infinie, jamais satisfaite, hein, on se reproche de n'être pas conforme à un modèle, hein, c'est ça le surmoi, c'est une cruauté fondée sur le constat qu'on n'est jamais assez bon, quoi, hein, qu'on n'est jamais assez proche de l'idéal. Et la socialisation fonctionne à ça, c'était ça le coup de génie freudien, de montrer qu'on peut être socialisé à coup d'auto-reproche, de ne pas se conformer assez aux modèles sociaux en vigueur. Bon, on peut dire que une partie de la sociologie ou de la psychosociologie critique du travail, axée sur les développements néolibéraux, a retrouvé, sans le savoir, autant que je puisse le voir, a retrouvé sans le savoir ce déplacement de la pensée freudienne de 1914 à 1923 de l'idéal du moi vers le surmoi. Alors, je dois tout préciser que il faut faire attention, et c'est peut-être une difficulté aujourd'hui d'une réappropriation possible du freudisme, il faut faire attention de ne pas tirer toute forme d'autocontrainte vers, disons, l'auto-agression. C'est peut-être une difficulté de la pensée freudienne qu'elle ne dispose pas de points d'arrêt, de ralentisseurs, hein, dans la tentation que nous pouvons éprouver à rabattre immédiatement l'autocontrainte sur l'auto-agression. L'idée que l'être humain est un être d'exercice, l'idée que l'être humain est un être qui fonctionne aussi à la capacité à s'entraîner, à s'auto-obliger à faire des choses pour progresser, est une idée de l'anthropologie contemporaine qui est banale. Elle se trouve, par exemple, brillamment explorée dans le livre de Sloterdijk, hein, qui s'appelle « Tu dois changer d'avis », qui, malgré ce titre bizarre et un peu accrocheur, est un traité d'anthropologie, hein, qui essaie de mettre en avant le primat de l'exercice, qui a trouvé dans le monde de la religion son exutoire le plus remarquable sur le plan dans l'histoire de l'humanité, mais qui peut se déplacer ailleurs. Le goût de se contraindre soi-même à l'exercice d'une activité dans laquelle on progresse est une sorte, d'après Sloterdijk, et c'est assez intéressant cette hypothèse-là, est une sorte de constante anthropologique, n'est-ce pas, peut-être plus fondamentale, et ça nous intéresse dans cette perspective-là, que le travail. Hein, Sloterdijk est critique à l'égard de toute absolutisation du travail, parce que dans sa vision, et ça demande discussion encore une fois, même si je trouve ça assez séduisant, il y a quelque chose peut-être de plus essentiel que le travail, à quoi le travail se raccroche, c'est ce goût de l'exercice, quoi. Hein, ce goût de l'exercice qui implique un élément d'autocontrainte, ce que la notion de travail en elle-même ne laisse pas supposer, de telle sorte qu'on a l'impression que dès qu'il y a contrainte, il y a extériorité, aliénation, répression ou domination. Fin de la parenthèse sur cette affaire-là, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous devons faire attention à ne pas lier l'autocontrainte en général à l'aliénation absolue, ce qui serait une erreur anthropologique, mais c'est vrai qu'il y a des phénomènes empiriques dans lesquels cet optimisme de l'exercice est pris en défaut, dans lequel il faut bien faire intervenir l'idée qu'il y a des structures organisationnelles porteuses de domination et d'aliénation. Alors, l'idée donc d'un idéal du moi organisationnel, dépersonnalisé, hein, Freud nous aide à penser la manière dont elle peut aller jusqu'à se manifester sous des formes tyranniques et aliénantes, résumant en quelque sorte la chaîne de violence dont il constitue le dernier maillon. La psychopathologie contemporaine du travail nous montre cela de façon assez intéressante, hein, et encore une fois, les livres de deux jours, parmi d'autres possibles, montrent à quel point il y a des façons de prendre à cœur, hein, de prendre à cœur les impératifs organisationnels, jusqu'au point où ils nous entraînent dans un rapport à nous-mêmes, hein, dans un rapport à soi-même, qu'on peut décrire comme porteur d'autocontrainte et porteur de violence parfois radicale. Alors, on pourrait ajouter que disons, la transformation des politiques sociales et des politiques économiques le passage du welfare state au workfare state constitue un paysage général dans lequel ce rapport à soi-même d'auto-obligation, d'auto-contrainte et potentiellement d'auto-condamnation peut fleurir et peut s'épanouir. Donc rien qu'avec ce petit constat très simple, nous pouvons conclure que Freud a eu raison du point de vue historique de subordonner l'idéal du moi au surmoi, puisqu'il existe un certain nombre de phénomènes historiques qui d'une certaine façon constituent l'illustration parlante, l'illustration vivante du fait que le positif peut se retourner en négatif, du fait que les idéaux porteurs d'exaltation et de conformité peuvent revêtir des aspects répressifs et parfois violent. Alors, comment continuer l'analyse jusqu'au point où elle permet de compléter un peu le tableau possible de toute cette affaire. Il me semble que on peut introduire l'idée que la sphère du travail n'est pas close sur elle-même, n'est pas fermée sur elle-même. Et que ce principe de l'autocontrainte, que ce principe de l'autocontrainte surmoïque ou quasi surmoïque, a des éléments, enfin est ouvert sur d'autres éléments de la vie sociale et en quelque sorte possède suffisamment avec d'autres aspects de la vie sociale économique pour qu'on puisse le dire, pour qu'on puisse dire qu'il n'est pas limité à cette sphère propre de l'organisation et du travail. De ce point de vue-là, il me semble que le concept de consommation est intéressant et que là encore, quelques très simples remarques empiriques nous permettent d'étayer l'idée qu'il y a là un terrain possible pour notre affaire. Je veux dire la chose suivante. C'est que la critique de la consommation et du consumérisme, qui est classique dans la théorie sociale du XXe siècle, peut être orientée dans des directions très différentes, dont certaines ici ne semblent pas les plus utiles. Voilà, pour le dire simplement, il est très vrai qu'une partie de la critique du consumérisme dans la théorie sociale de la seconde moitié du XXe siècle s'est orientée en fonction de l'idée que le consumérisme devait être conçu de manière passive, comme une espèce de conformité, d'adaptation à des impératifs d'achat et de consommation purement extrinsèques. On trouve des versions très raffinées de ce modèle-là, d'Adorno à Baudrillard, et qui se prolonge jusqu'à Christopher Lasch lui-même. Il me semble que nous devrions faire attention à ne pas abonder dans le sens d'une conception hypercritique du consumérisme qui nous oriente en direction d'une théorie de l'aliénation absolue. Dans la réflexion contemporaine, il y a des éléments qui suggèrent d'abandonner ce modèle-là. Beaucoup de théoriciens contemporains du digital labor, par exemple, du travail digital, numérique, on dirait plutôt en français, insistent sur le fait que l'univers numérique contemporain a changé le sens de la consommation et qu'il pousse le consommateur à se faire lui-même acteur, à s'engager dans un travail de choix, de sélection, qui bénéficie aux entreprises elles-mêmes, quand on vous suggère sur tel site d'achat en ligne que si vous avez acheté ça, vous pourriez être intéressé par cela. Cette proposition, ces offres supposent un travail en amont d'autres consommateurs qui ont accepté de faire le lien et qui vous suggèrent des choses. Bref, l'idée que une partie que consommer, c'est désormais une forme de boulot, que c'est désormais une forme de boulot et de boulot non rémunéré, et ou qu'en tout cas la consommation se lie désormais à une série d'engagement, de participation, d'insertion dans des circuits de production de la valeur. Cette idée-là est actuellement très en vogue chez beaucoup de spécialistes états-uniens du monde numérique. Je la trouve intéressante parce qu'encore une fois, à côté des arguments, relevant des études culturelles classiques qui sont connues depuis les années 1960, les gens ne sont pas soumis à la consommation mais sont actifs, s'engagent, choisissent, font quelque chose des messages qui leur sont distribués, sont toujours acteurs à la marge par rapport au contenu qui leur sont imposés. Il me semble qu'au-delà de cet argumentaire désormais bien connu et qui a alimenté les études culturelles depuis 30 ans, nous avons aujourd'hui des arguments un peu plus précis, un peu plus solides, qui vont dans le sens d'une espèce espèce d'effacement de la frontière entre le consommateur, la consommation et le travail, c'est-à-dire la production elle-même. Mais il me semble que pour nos affaires, hein, c'est-à-dire pour une tentative raisonnable de montrer comment le néo-capitalisme et le néolibéralisme sont porteurs de formes de réinvention minimale de modalités surmoïques de la vie psychique, il me semble que pour notre affaire, est assez intéressant comme base. Mais on va dire les choses suivantes. Il y a d'autres façons d'interpréter la consommation et le consumérisme qui, chez d'autres auteurs, insistent sur le fait que le centre de gravité de la consommation s'est déplacé, disons, de la possession des choses à la position de soi sur le marché. Le livre de Bauman, par exemple, hein, qui s'appelle en français « S'acheter une vie hein, », qui a quelques années, au premier regard, semble relayer une problématisation classique de la consommation et du consumérisme qu'on trouve chez Baudrillard ou chez Debord ou chez des auteurs comme ça. À la réflexion, le livre contient l'idée nouvelle suivante, c'est que désormais, consommer est important, j'allais dire, pour la position de soi dans le marché concurrentiel. Hein. Il ne s'agit pas simplement... Comme chez Baudrillard encore, de montrer que l'on se conforme à un code, n'est-ce pas, que l'on se conforme à des injonctions objectives et extérieures. Il s'agit plutôt de se défendre hein, dans une société de marché, d'accroître le nombre de ses atouts dans une société de marché. C'est pour ça que Bauman insiste beaucoup sur la place, disons, de la consommation tournée vers soi, hein, tournée vers l'exaltation du corps propre, tournée vers l'amélioration des formes de présentation de soi sur un marché désormais concurrentiel, que ce soit le marché du travail ou le marché sentimental, hein, tel qu'il est reflété, par exemple, dans les sites de rencontres, un paradigme inépuisable. D'après Bauman, il y aura un néo-consumérisme qui semble rompre radicalement avec les formes traditionnelles, on va dire post-fordistes ou keynésiennes, qui seront avec les formes traditionnelles, tend à se déplacer vers la présentation de soi et vers la position de soi le marché. Or, l'idée qu'on peut en tirer, qui émerge chez Bauman, même si celui-ci est indifférent au langage freudien, c'est que tout ça implique un rapport à soi qui est pas mal orienté vers la thématique de l'exigence, hein, vers la thématique de l'exigence, d'où l'importance du paradigme sportif, hein, avec l'idée de performance sans arrêt renouvelée et sans arrêt remise en question, hein, l'idéal de la performance toujours améliorée. Et donc, d'une certaine façon, hein, cette idée d'un rapport à soi qui s'oppose à tout laisser aller, hein, qui s'oppose à toute forme de stabilité, pourrait être comprise comme une manière typiquement postmoderne ou en tout cas contemporaine de reprendre quelque chose de ce rapport agressif à soi, hein, de ce rapport agressif à soi, de ce rapport d'exigence infinie à soi, qui n'est pas la même chose que le rapport de jugement, hein, le rapport d'autocondamnation chez Freud, mais qui a en communauté avec lui, hein, cette idée de se faire violence, hein, tout simplement, hein, l'idée d'une autocontrainte qui frôle la violence faite à soi-même. Encore une fois, hein, le paradigme sportif, avec l'idée que chacun comprend que la performance sportive a ses côtés sombres, hein, comporte des aspects d'autocontrainte violente, joue ici un rôle intéressant. Bon, il me semble donc qu'on pourrait concevoir la sphère de la consommation, hein, la sphère de la consommation ainsi comprise, comme la passerelle, hein, permettant à ce qui s'élabore dans le monde du travail, qui est désormais bien connu, la passerelle qui permet à tout ce qui s'élabore dans le monde du travail de, en quelque sorte, de déborder, hein, dans les différents univers de la vie sociale et qui par là acquiert sur les personnes et les individus une emprise qui certes n'est pas totalitaire, hein, il ne s'agit pas du tout de pas de même chose comme si le monde était monocolore, mais une puissance d'influence qui n'est pas négligeable. Alors, je poursuis en essayant de généraliser quelques conclusions à partir de ces petits constats qui reviennent tout simplement à affirmer le caractère praticable d'une psychologie historique qui s'interrogerait sur les devenirs des modalités surmoïques dans le monde contemporain, dans un monde, on va dire, en partie post-oedipien ou en partie post-chrétien, puisque très, très clairement, la peinture freudienne du surmoi impliquait que les formes religieuses de rapport à soi et les interdits religieux relayant Oedipe, enfin le complexe d'Oedipe, conservaient sur le psychisme individuel une puissance relativement indiscutée. Quelques conclusions donc à partir de ce constat-là. Alors, plusieurs façons de voir les choses. Cette incitation à l'auto-réification ou à l'auto-exploitation, cette incitation à l'auto-exploitation et à l'auto-réification qui est une des voies pour moi du devenir du surmoi, elle peut être décrite de plusieurs manières. J'aimerais insister à titre exploratoire sur une conception possible. Cette conception possible est la suivante. Bon, voilà, j'estime légitime pour ma part l'usage de la notion d'aliénation si on la comprend en plusieurs sens, si on accepte son caractère ambigu. Aliénation subjective, aliénation subjective, c'est le fait que les possibilités existentielles sont restreintes, sont comprimées, sont contractées du fait de l'existence de rapports sociaux, d'arrangements sociaux, d'habitudes sociales qui exercent un poids, une pesanteur sur les individus, restreignant en quelque sorte leur possibilité d'épanouissement et d'enrichissement personnel. Sous sa face objective, c'est, selon les visions marxistes traditionnelles, c'est l'existence dans la société moderne de grandes puissances affranchies, de grandes puissances émancipées, qui en quelque sorte sont suspendues au-dessus de la société et lui imposent son rythme, ses impératifs abstraits, au sens marxien du terme, des machines qui en quelque sorte hypostasiées, hypertrophiées, se constitue en superpuissance que les individus et les collectivités ne peuvent que subir. Mon idée, c'est que l'aliénation subjective comme fait historique et l'aliénation objective sont des choses qui en quelque sorte ne sont pas à la disposition du théoricien mais sont comprises et sont connues par les individus elles-mêmes, qui a toujours une sorte de précompréhension de ce que ça veut dire et qui a toujours une manière de saisir intuitivement que ça ne va pas sur le plan ontologique ou moral, il y a différents langages qui permettent de traduire ça. Les sociétés capitalistes ne sont pas simplement des sociétés où il y a de l'aliénation en ce double sens, c'est des sociétés, et c'est en cela qu'elles peuvent être dites modernes, c'est une société où la sensibilité, l'inquiétude et les réactions, où la capacité de résister éventuellement à ces phénomènes-là sont tout à fait importants et notables. Il y a une réflexivité face au phénomène de l'aliénation qui est, à mon sens, constitutive de la modernité elle-même. Ce qu'on peut dire, c'est que ces formes surmoïques, dont j'ai essayé de montrer quelques traces, de ce point de vue-là, elles ont une fonction, c'est pour ainsi dire une fonction d'anesthésie face à cette sensibilité. En termes freudiens, elles ont une signification défensive, d'une certaine façon. C'est une manière, et ça aussi c'est assez conforme aux idées de jour, c'est-à-dire l'aliénation dans le monde du travail, c'est pas seulement le fait de subir la méchanceté des petits chefs ou des systèmes ou une organisation du travail particulièrement irrationnelle et pesante. C'est aussi le fait d'adhérer à ces formes-là et de se défendre contre l'idée qu'elle puisse être complètement extérieure. L'idée de deux jours, c'est que l'activité de travail est si importante, si essentielle, que d'une certaine façon, même là où les éléments puissamment empreintes d'aliénation et de contraintes sont données, il y a toujours des tentatives, des essais pour se les approprier ou pour les défaire de leur aspect d'extériorité radicale, pour en faire quelque chose, les absorber et les intégrer. Ben, là, de la même manière, on peut dire que ce qui est caractéristique de ces formes surmoïques, c'est que elles tendent en quelque sorte à déplacer la conscience possible, la conscience possible que l'on pourrait avoir de ces phénomènes d'aliénation au profit, disons, de processus d'intensification, d'accélération, d'accroissement qui font le cœur même du néo-libéralisme. Interpréter ça en termes de défense, d'inattention auto-organisée, de choix de privilégier autre chose que ce qui se rapporte à la conscience critique de ces phénomènes-là, me semble pouvoir être une hypothèse, c'est difficile à valider, hein, elle est très spéculative, qu'on pourrait présenter. Voilà, on pourrait décrire de la façon suivante. Le néolibéralisme, c'est quand l'exigence d'accélération, d'accroissement et d'intensification qui est inhérente au capitalisme, qui est inhérente au capitalisme, c'est une thèse marxienne élémentaire que je crois pouvoir me contenter de rappeler ici. Le néolibéralisme, c'est quand l'impératif d'accroissement, d'accélération et d'intensification est intériorisé par l'individu lui-même, quand l'individu se cale en quelque sorte, ces impératifs eux-mêmes, qui à l'époque fordiste ou keynésienne prenaient des aspects extrêmement objectifs. On parlait de la croissance comme une grande exigence sociale, mais justement prise dans sa globalité pure, sans qu'il y ait en quelque sorte de médiation ou de chaînon qui fasse descendre cet impératif de croissance jusqu'au tréfonds du psychisme humain. Le néolibéralisme, c'est la multiplication des chaînons qui permettent à l'individu de se sentir appelé, interpellé par l'exigence abstraite de croissance et d'intensification, qui a d'abord son siège dans l'univers économique, mais qui désormais se ramifie, s'étend et s'amplifie jusque-là. Donc on peut dire que les formes, ce que je crois pouvoir correspondre à des formes surmoïques typiquement contemporaines, constituent un corrélat de cette affaire-là, une manière dont, en quelque sorte, on accepte de s'habituer à l'aliénation, dont on accepte en quelque sorte de la dépouiller de son caractère d'extériorité, d'étrangeté, le mot s'impose, ou de son caractère simplement anormal ou difficile ou embêtant ou en tout cas gênant, suscitant une réaction quelle qu'elle soit, qu'elle soit de fatalité ou d'adhésion ou de refus politique, peu importe le contenu. Une manière dont au fond on troque la sensibilité ou la réflexivité face à l'aliénation en toutes ses facettes contre ce qui n'est pas une illusion, mon propos n'est pas moralisant, mais contre ce qui relève des plaisirs latéraux, des plaisirs paradoxaux de l'auto-embrigadement et de l'auto-contrainte. Alors, pour terminer, quelques remarques sur la façon dont tout ça pourrait se relier à des éléments plus typiquement freudiens. Bon, je crois qu'une chose est claire, c'est que si nous voulons reconstituer quelque chose, alors qui ne sera pas simplement une reconstruction du freudo-marxisme, je pense que ça n'a pas d'objet d'essayer de vouloir directement prendre cet alliage, cette alliance freudo-marxiste et de déclarer qu'il faut la renouveler. On va en garder des traces, on va en garder des échos, mais certainement l'ambition elle-même n'a plus beaucoup de sens. Pour une raison simple, c'est que historiquement, le marxisme et la psychanalyse ont connu des destins, des avatars, des ramifications d'une complexité telle qu'il est difficile d'identifier les noyaux durs qu'on va essayer de faire figurer ensemble sur l'espace de la théorie, parce que c'est devenu trop complexe, trop mobile, trop ambigu même. Mais si on essayait quand même de réactiver l'intention qui, au XXe siècle, a été celle d'associer ces deux champs de savoir ou ces deux ces deux propositions théoriques, il y a des choses qui désormais me semblent carrément exclues, et c'est pas inintéressant de savoir quelles sont exclues. Bon, par exemple, une chose qui me semble véritablement exclue, c'est un élément théorique avec lequel je ne peux pas ne pas me sentir en affinité, vous allez voir pourquoi, mais qui justement me paraît devoir être quelque peu relégué. Adorno, par exemple, est quelqu'un qui avait très bien vu que l'évolution de la modernité avait son noyau dur du point de vue psychologique dans une transformation du surmoi. Hein, donc c'est ce que j'essaye péniblement d'esquisser a très certainement comme préalable ou comme prédécesseur des idées d'Adorno. Mais en gros, l'explication d'Adorno était la suivante. Adorno, face à la violence et à l'irrationalité du monde contemporain, ne pouvait pas écarter une certaine forme de nostalgie face à la modernité bourgeoise classique. Une certaine forme de nostalgie face à la modernité bourgeoise classique, qui certes comportait ses limites et ses inconvénients, mais qui avait tout de même le mérite, de rendre possible, ne serait-ce que pour une minorité, hein, de rendre possible l'épanouissement de l'individu, la création individuelle et l'avènement de l'art moderne, hein, qui constituait le pôle de référence pour Adorno. Voilà, malgré ces inconvénients, l'âge bourgeois, l'âge oedipien, pourrait-on dire tout aussi bien, malgré ses côtés répressifs, avait la capacité statistiquement avéré de produire des individualités créatrices, et ça suffit d'une certaine façon à le sauver. Le point de vue, on le voit, est celui d'un artiste, voire d'un esthète, ici plus que d'un sociologue capable de raisonner en termes de classe. C'est très clair. C'était assumé, hein, cette partialité paradoxale chez Adorno. Et du coup, cette position quasi nostalgique conduisait Adorno à expliquer l'évolution de la modernité et le dérapage fasciste en particulier de la manière suivante. C'est au fond le surmoi, enfin la part d'agressivité présente dans le surmoi. Et Adorno avait très bien compris que ce qui se jouait dans le surmoi, c'est une manière dont l'individu réabsorbait, réactivait, redynamisait la part répressive, la part inévitablement répressive de l'éducation qu'il a subie. C'est bien ça qui est en jeu. Une manière de faire quelque chose de la dimension négative de l'éducation et de la socialisation subie par les individus. De réagir à une situation par laquelle être socialisé, c'est être soumis à, obligé de, etc. Adorno voyait bien ça, mais il insistait sur le fait que la fin de l'âge bourgeois, hein, la fin du monde bourgeois et du monde oedipien classique, impliquait que cette part d'agressivité était désormais libre. Au lieu d'être liée à l'autocontrainte bourgeoise et victorienne, pourrait-on dire, au lieu d'être liée à l'autocontrainte bourgeoise et victorienne, elle se trouvait libérée. Elle se trouvait sans usage typique, sans usage privilégié, sans usage majoritaire. Et du coup, c'est comme ça que Adorno expliquait l'inflation du racisme, de la xénophobie et des formes de haine ethnique, quelle qu'elle soit. En quelque sorte, c'est la manière dont c'était cristallisé, hein, dont c'était recristallisé, par polarisation en quelque sorte, cette quantité d'agressivité qui avait été libérée par la baisse du niveau d'exigence propre à la socialisation bourgeoise et oedipienne. Je crois que cette explication est très intéressante, mais il me semble que ce que nous pouvons voir, c'est que bien qu'elle puisse conserver son caractère explicatif, en tout cas éclairant pour un certain nombre de phénomènes contemporains, il ne faudrait pas que nous oublions, hein, que les destins du surmoi, hein, que les destins de cette énergie activée dans l'autocontrainte sont divers et sont pluriels, et il ne faudrait pas oublier la manière dont le monde du travail et les spécificités du monde néolibéral et néocapitaliste ont à faire avec elle. Voilà, c'est ça. Le propre d'Adorno, c'est en quelque sorte d'accepter un instant que la théorie des devenirs du surmoi se décroche d'une interrogation, on va dire, marxiste ou post-marxiste, sur les devenirs du capitalisme. Il me semble que cette position n'est pas aberrante et qu'elle nous soulage peut-être de, des tentations économicistes qui peuvent persister ça et là, mais que nous ne devrions pas aller trop loin, en quelque sorte, dans, dans l'adoption de ce programme de recherche qui, en quelque sorte, nous éloigne trop la question du capitalisme de la question des devenirs du surmoi. Une stratégie parallèle, alternative ou complémentaire est... est possible. Enfin, deuxième type de remarque, deuxième type de remarque conclusive. Je voudrais faire allusion à quelques idées propres cette fois à l'espace propre, typiquement psychanalytique, hein, et en particulier à la pensée de Green, à la pensée d'André Green. Dans André Green a contre ce qu'il est, comprenait comme l'oubli lacanien de la pulsion de mort ou comme une espèce de, d'indifférence relative de Lacan et des lacaniens à la pulsion de mort, peu importe si c'est exact, je ne suis pas précisément en mesure de savoir si c'était légitime, mais en tout cas contre ce qu'il pensait être cet oubli, Green a essayé de faire quelque chose hein, de cette notion de pulsion de mort, dont je rappelle que Freud insiste sur le fait que le surmoi est, est une de ses manifestations, une de ses incarnations. Hein. L'idée de Green, c'est que l'agressivité, c'est toujours difficile le lien. Chez Freud, la question du lien entre pulsion de mort et agressivité est complexe. L'idée de pulsion de mort, elle a à voir avec le thème selon lequel la vie elle-même tend à sa propre disparition, est mue par quelque chose qui peut s'assimiler à une sorte de penchant suicidaire. Or, il n'est pas évident que ça puisse satelliser l'idée d'agressivité, cette affaire-là. L'idée qu'il y a quelque chose de plus puissant que le vouloir vivre, qui entre en concurrence avec lui, qui est le désir de retourner à l'inorganique. Il n'est pas évident que cette vision métaphysique puisse satelliser, disons, une anthropologie attentive à la part de l'agressivité et de la violence en l'homme. Il y a quelque chose ici comme un bricolage métaphysique assez audacieux de la part de Freud. Et constatant ce fait, Green essaye de refonder la notion de pulsion de mort à un degré de profondeur tel qu'il la rende à la fois qu'il la soulage de son lien trop fort avec cette vision métaphysique d'une vie qui veut retourner à l'inorganique, hein, et qu'il la soulage d'autre part d'une proximité trop forte avec la thématique de l'agressivité. Il y a quelque chose qui en quelque sorte est plus profond que ces deux phénomènes-là et qui et par rapport auxquels ces deux phénomènes-là sont des ajouts, des composantes, des modules supplémentaires qui peuvent s'ajouter. C'est pour ça que Green essaye de montrer que ce qu'il y a derrière la notion freudienne de pulsion de mort, c'est le thème de la déliaison. C'est le thème de la déliaison, la capacité de quitter un investissement, hein, la capacité de déserter un objet. Chez Green, on a en effet une idée, comment dire, qui essaye, tout en maintenant la notion de pulsion, de donner un poids supplémentaire, hein, d'accorder un poids supplémentaire à la place de l'objet. Hein. La pulsion ne doit pas être pensée comme une espèce de puissance aveugle, elle doit être pensée en fonction d'une quête ou d'un accès à l'objet qui lui donne sens rétrospectivement, qui la porte, qui la dynamise et qui la fait entrer dans quelque chose qui ressemble à une histoire. Par conséquent, ce que Green interprète sous la notion de pulsion de mort, c'est l'envers complémentaire de cette tendance à l'objectivité, de cette tendance à l'objectivation ou à l'objectalisation qui, pour Green, fait le cœur de la vie psychique, à savoir notre capacité de déserter, hein, de quitter, de désinvestir, l'objet, défaire un investissement objectal. Alors je trouve ça intéressant, hein, cette réinterprétation, d'une part parce que, encore une fois, elle a comme mérite, hein, elle a comme mérite de de soulager les conceptions freudiennes de leur caractère très syncrétique. Hein, la pulsion de mort, ça résumait 10 000 trucs, ça essayait de fonder héroïquement dans une espèce de biométaphysique aventureuse des tas de phénomènes assez disparates. Et puis, surtout, c'est l'aspect qui va m'intéresser le plus, c'est que, du coup, liaisons possibles avec des intuitions marxiennes redeviennent possibles. J'explique en effet rapidement. Chez Marx, l'aliénation dans les manuscrits de 44, elle était précisément pensée dans un vocabulaire assez proche de celui-ci. L'aliénation en 1844, c'est pas le fait de perdre quelque chose, serait-ce le produit du travail, serait-ce le fruit du travail. L'aliénation, c'est le fait de perdre, d'être dépossédé, d'être privé d'une capacité, ou deux capacités faisant système. Quelles capacités faisant système ? Ben, les capacités d'entrer justement en symbiose, hein, d'entrer en rapport avec l'objet, la nature, l'univers propre, le monde social, la culture. Je suis aliéné non pas quand j'ai perdu un truc, quand j'ai perdu une chose, mais quand j'ai perdu une puissance, un élan vers l'objet, condition de l'épanouissement et dans l'enrichissement individuel. Il me semble que la chose est intéressante ici, c'est que, disons, une vision objectalisante de la vie psychique, qui n'est pas incompatible avec le maintien du thème de la pulsion, qui n'est pas incompatible avec le thème du maintien, thème naturaliste de la pulsion, qui a là des échos possibles. Penser l'aliénation comme privation d'une puissance d'aller vers l'objet, de bénéficier de quelque chose de l'objet, de grandir au contact de l'objet, hein, de s'accroître au contact de l'objet, il me semble que ça permet d'établir des choses et que c'est le cadre général qui pourrait justifier, n'est-ce pas, cette idée du surmoi, cette idée aventureuse là aussi, hein, du surmoi comme ce qui incarne une forme de négation ou d'auto-négation de la vitalité, hein, une forme de négation ou d'auto-négation de la vitalité. Cette intuition philosophique, hein, que la négation de la vie, hein, que la négation de la vitalité s'inscrit dans des dispositifs psychosociaux ou socio-psychiques qui sont historiquement variables, me semble pouvoir s'accorder avec certains éléments d'une psychanalyse révisée à la manière grignienne, par exemple, et elle me semble pouvoir constituer un cadre général à partir duquel cette idée des devenirs du surmoi, hein, des devenirs de l'autocontrainte peut être élaborée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon. Nous avons une heure largement pour discuter et interroger et rebondir sur l'exposé de Stéphane qui a des prudences, qui a beaucoup des aspects. Par rapport à la question de l'historicité, de l'inconscient du surmoi, et au rappel que vous avez fait par rapport à Mellman, me vient comme ça que Mellman, il me semble lier cette historicité à la science, à la découverte scientifique. Finalement, peut-être assez de façon peut-être un peu benjaminienne, mais cette idée que la technique est donc une sorte de désacralisation aussi du monde qui était opérée par la science permet d'être en lien avec les transformations du psychisme. Du coup, commencer peut-être. Mais est-ce que vous adhérez jusque-là? C'est la toute première page du bouquin, il dit ça. Oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit très actif dans la suite de son raisonnement. Oui, je vois. Est-ce que ce n'est pas des espèces de banalités post-weberiennes sur le désenchantement du monde, à partir duquel il fait son propre boulot? C'est pas impossible. Bon, le cœur de l'argumentation de Melman, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas relu le livre, c'est quand même, en gros, une critique, d'ailleurs aujourd'hui largement répandue, c'est d'abord une psychologie historique du monde contemporain comme monde où les gens sont en apesanteur, sont plus liés par rien, plus d'autorité, plus le grand n'importe quoi. Bon. Très réactionnaire par certains côtés. Bah, il ne faut pas se cacher les choses, oui. C'est politiquement, c'est très clair. Bon, après, est-ce qu'il faut se hâter tout de suite de mettre des noms politiques sur les choses? Il ne faut pas être naïf, mais il y a une argumentation qui est intéressante. Hein. L'idée, effectivement, que nous serions à l'âge du narcissisme accompli et désormais pleinement arrivé à maturité. C'est une espèce d'hyperbole hein, par rapport aux thèses de Christopher Lasch, effectivement, sur le passage du monde oedipien au monde narcissique. Bon, je ne sais pas si la question de la rationalisation scientifique joue un rôle très important. Il n'y a pas besoin de ça, d'une certaine façon. Sa méthode, pour autant que je me souvienne, consiste à prendre, voilà, à se développer, déployer une argumentation sur deux plans. D'une part, des trucs très impressionnistes sur la société contemporaine. Hein. Effectivement, une société où tout fout le camp, enfin, je veux dire, bon, hein, c'est pas difficile hein, de broder là-dessus et de faire quelques belles métaphores ou de beaux développements rhétoriques sur ce truc-là. Et puis, quelques cas cliniques. Hein, quelques cas cliniques de gens paumés, quoi. Hein, de gens paumés, sentimentalement, famille éclatée, enfin, et d'en rajouter sur le côté, vous voyez bien, je vous l'avais dit, hein, c'est pathogène pour les individus. Ce qui n'était pas le cas chez Christopher Lasch. Lasch n'était pas quelqu'un qui disait « Nous vivons une époque de déliaison radicale où les individus sont abandonnés à eux-mêmes sans autorité, sans lien, sans normes et sans figure de référence. » Il disait que certaines formes d'excès ou certaines bizarreries contemporaines s'expliquaient par là. Mais il n'allait pas jusqu'à vouloir descendre au niveau d'une explication clinique des phénomènes. Melman, lui, il veut le faire. C'est-à-dire que, clairement, il considère l'évolution culturelle de la modernité accomplie comme directement explicative des pathologies mentales les plus originales et les plus remarquables de l'époque. Ça, c'est peut-être la difficulté. Oui. Expliquer directement pourquoi les gens vont pas bien par le fait qu'il n'y a plus de repères, c'est quand même un truc sur le plan théorique. Bon. Et surtout que c'est un usage, disons, anti-analytique des notions de la psychanalyse, parce qu'il généralise à ces moments-là. Généralisation, oui. Donc je pense que c'est très problématique. Je voulais t'interroger. Parce que moi je trouve qu'il y a j'arrive pas à te suivre dès le début dans la manière avec laquelle tu poses la notion de surmoi. Oui. C'est-à-dire que tu as d'une certaine manière tiré de la corde en nous montrant qu'il y a un côté de surmoi tel comme l'a posé Freud. C'est-à-dire les côtés les plus négatifs. Oui. Hein? Tu as dérivé dans toute une série de termes qui montraient bien cette partie du surmoi. Alors que Freud dit que le surmoi, c'est l'héritier du complexe d'Oedipe. Oui. Et que donc, je pense, même que, si je ne me trompe pas, il parle des Janus bifront. Mm. C'est-à-dire que c'est un truc, on va dire. Une dimension de la subjectivité qui a des visages. Donc, ces visages dont toi tirer la corde existent, c'est le plus cruel. Ouais. Hein, les côtés d'exigence, etc., que tu as décrit. Mais la fonction aussi de surmoi, c'est d'inscrire dans la subjectivité la loi. Mmh. Donc, on va dire, les côtés positifs. De la introjection des premières normes, qui, étant donné que c'est l'héritage du complexe d'Oedipe, bon, c'est le renoncement à jouir de la mère et le renoncement à tuer le père. Ça, pour les petits garçons, qui est l'exemple princesse. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que dès le début, justement, parce que tu as parlé de cette affaire de la cruauté, tu la poses comme en étant en rapport à soi. Et alors là, je ne sais pas de quoi tu me parles. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'univers conceptuel freudien à ce moment-là. Autosadisme, c'est une expression de moins de ça, tu vois. Non, mais tu dis que cette expression, il peut y avoir beaucoup contradictoire. Ouais. Et justement, la difficulté de la théorie freudienne, c'est qu'elle porte des tensions, tu vois, qui soit tu les prends en compte et tu essayes de voir avec quelle notion tu peux dépasser ces tensions, mais tu peux pas jamais rester sur la partie que te convient. D'accord. Tu vois. Et donc, les sourds-muets, tel que je les lis, hein, je Freud, c'est l'une des parties de l'appareil psychique. Ça veut dire que c'est ce qui pose Freud d'emblée là, dès le début, et ben c'est un sujet qui est éclaté. Et donc, on ne peut plus parler de rapport à soi, parce que les soi, si je prends en compte d'une manière rigoureuse, on va dire, la division subjective qu'il va approfondir, il va de plus en plus approfondir cet aspect de la subjectivité. Si je la pose, ça n'a plus de sens de parler du rapport à soi, parce qu'il n'y a pas de soi. Et ma thèse, à partir de laquelle j'ai ouvert ce dispositif à des pattes, c'est que justement, on ne peut plus parler d'un psychisme confronté à un social. Parce que l'inconscient, dès le début, il le pose comme un état social. Et justement, cette présence du surmoi à l'intérieur du sujet, c'est le représentant, le plus direct des normes sociales, on va dire comme ça. Et donc ça, si tu veux, ça m'a posé un problème dès le début, parce qu'ensuite, il me semble que tu as cité des auteurs qui font de certaine manière la même chose, c'est-à-dire qu'ils isolent cette notion pour ensuite lire des phénomènes sociaux, et ce n'est pas du tout, en tout cas, la démarche freudienne. Et c'est d'une certaine manière, c'est ce qui a fait aussi Melman, démarche dans laquelle je ne reconnais pas la psychanalyse, tout simplement. C'est une sorte de sociologie spontanée. Élaborée, oui. Avec des mots de la psychanalyse, ouais. Ça ne veut rien dire. Tu vois ? D'accord. J'exagère, tu sais, comme. Hein, c'est pour déranger un peu. Hein. Tu veux la. Très bien. Alors. Quelques réponses. Merci pour ces objections très fortes et qui obligent à remettre des choses en question, en effet. Alors, moi, je m'inscris effectivement, j'ai dit d'emblée, je m'inscrivais dans une forme de pensée, c'est psychologie historique. Oui. Alors, ça veut dire que j'accepte, sur le plan méthodologique, de me placer à ce niveau-là, c'est-à-dire d'une conception historicisante. Des devenirs du psychisme. Alors c'est vrai que ça implique par rapport à une approche typiquement freudienne des déplacements qui forcent le vocabulaire freudien, c'est très clair. Et c'est vrai que je me suis peut-être senti, en tout temps j'en prends conscience, je me suis peut-être un peu trop senti porté par cette tradition qui vient de Christopher Lasch, où cette démarche fait évidence. Mais voilà, il y a un choix de l'historicité, quoi. Il y a un choix de l'historicité radical, plus que du social, de l'historique, qui implique très certainement un choix particulier. Bon, maintenant, c'était un peu une facilité de te répondre comme ça. Bon, là, je vais jouer le jeu contraire. Le texte de Le Moi et le Ça, qui est le texte dont on parle, qui est le texte central, c'est pas le seul où ces questions-là soient évoquées, mais tout de même, sa singularité, son approfondissement attire le regard quand on, quand on réfléchit sur cette question-là, c'est le texte classique sur la notion de surmoi, c'est le texte classique sur la seconde topique. Bon. Or là, textuellement, il faut reconnaître que tu as raison, effectivement, héritage du concept du complexe d'Oedipe, trace d'une socialisation, de l'inscription de la loi. Mais ce qui est frappant dans le texte, c'est que la dérive cruelle est omniprésente. Alors, omniprésente dans le texte. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ici, dans le texte, et je sais qu'il y a un effet de spécialisation, de choix stratégique pour un texte particulier, il est frappant, et dans le texte de 1923, que tout ce dispositif du surmoi instaurateur, du surmoi instaurateur, soit tiré assez facilement vers les formes extrêmes. Et donc, on a l'impression que ce qui intéresse Freud, c'est quand ça dérape, quand ça devient pathologique, quand ça lui permet d'expliquer un certain nombre de pathologies. Du coup, dans le texte devient difficile à saisir parce que le caractère autonome, de l'instance du surmoi n'est pas longuement et spécifiquement étudiée. Elle est tout de suite happée dans une stratégie argumentative qui tire du côté des formes extrêmes, des formes hyperboliques. Alors, il y a deux façons de réagir à une situation textuelle. C'est de dire que, encore une fois, il ne faut, faut pas en faire tout un fromage et que c'est lié à une stratégie particulière. Ou bien on peut prendre au sérieux cette affaire-là. On peut prendre au sérieux cette affaire-là, non pas pour nier la part positive du surmoi, mais pour dire que Freud est quelqu'un qui, à un certain moment de son œuvre, dans certains de ses textes, a pris au sérieux l'idée que les dérapages quasi-pathologiques et en tout cas les formes d'autocontrainte impliquant une forme d'agressivité marquée et répétitive sont un destin possible, un avatar possible, une destination possible, une orientation possible de ce fameux surmoi. Donc de ce point de vue-là, j'ai adhéré, de ce point de vue-là seulement, j'ai essayé de considérer que ce n'était pas un hasard. Si la notion de surmoi et l'interrogation sur les formes pathologiques du rapport à soi hyper contraignant sont profondément intriquées l'une dans l'autre dans le texte. C'est un jeu possible. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Quoi. Oui. C'est pas un hasard. Ce qui implique aussi que la division du travail entre la notion d'idéal du moi et la notion de surmoi soit très forte. C'est-à-dire que la notion d'idéal du moi, quelque chose auquel on essaie de se référer, la partie positive, est encore présente dans le texte de 1923. Mais l'intéressant, c'est que Freud s'en débarrasse très facilement, en quelque sorte, et que, du coup, il y a une espèce d'hypertrophie de cet aspect négatif. Tu vois, ça fait une série, il y a un faisceau d'arguments qui vont dans le sens, effectivement, d'une diminution possible de cet aspect rassurant et positif du surmoi. Il y a des cas où il y a des aspects de la pensée où il faut prendre au sérieux ça. Et Stéphane, les ça et le moi, 1923, ouais. 1920, c'est l'au-delà du passé de plaisir. Ouais. Et donc ça s'inscrit, ça vient juste après, ouais. Et on va dire que les années 20 signifient une tournure majeure dans l'œuvre freudienne, parce que c'est le moment où Freud arrête, on va dire, sa version optimiste de la démarche analytique. Il avait commencé en croyant, bon, allez hop, on va enlever c'est ce qui a été réprimé, l'émotion réprimée, et c'est comme ça qu'on va guérir nos patients. Il était, dans un premier temps, dans cette position-là. Et là, c'est ce qui lui arrive. D'un côté, c'est dans la clinique, la pratique elle-même, il voit que même au moment où le patient a découvert la cause de son symptôme, il le sait, et là où il se rapproche de la possibilité de la guérison, il revient en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il veut souffrir. Donc c'est ce phénomène-là de la clinique. Mais c'est aussi, il faut se souvenir que l'au-delà du principe de plaisir, il écrit juste après la mort d'une de ses filles, de Sophie. Et que ça change même la version qu'il a du deuil. Parce qu'en 1914, Deuil et Mélancolie, pareil, c'est une version optimiste. Bon, on perd un être aimé, on va, avec un certain temps, récupérer la libido que nous avons mis sur cet objet perdu, on va la récupérer, et une fois qu'elle la récupère, cette libido, on pourra la placer sur de nouveaux objets. Hein? C'est très facile. Bah, alors, en 1920, Freud dit, ah ben non, il y a des pertes qui sont irrécupérable et elle change complètement. Donc oui, c'est-à-dire qu'à partir de sa neva, tout à fait, il est sensible à toute cette phénoménologie clinique qui nous dit que ça ne marche pas et qu'il y a quelque chose dans la subjectivité qui tire du côté de la destruction. Oui, en effet, dans le moi et le ça, effectivement, les réactions thérapeutiques négatives, hein, c'est-à-dire en gros, on cherche pas à guérir, on cherche à s'enfoncer, à subsister dans la maladie à cause de ses bénéfices latéraux, jouent un rôle argumentatif tout à fait central. Mais mon idée, c'est que cette affaire-là, bien qu'elle s'explique par le contexte que tu as très, très bien rappelé de façon très éclairante, la question c'est de savoir si on peut faire quelque chose de cette construction-là, si elle a une portée théorique majeure. Pour moi, oui, c'est aussi quelque chose qui a du sens. Encore une fois, l'intuition essentielle qui est derrière là-dessus, qui est derrière tout ça et qui permet peut-être de relativiser ces effets de contexte ou ces particularités liées au contexte. C'est l'intuition sur laquelle la socialisation n'est pas l'inscription dans l'individu d'habitus stabilisé et devenu naturel, qui produit des individus en société comme des poissons dans l'eau. Toute socialisation implique de mobiliser une part de l'énergie propre, de mobiliser une partie de l'énergie personnelle pour atteindre quelque chose, pour se conformer à quelque chose, pour s'obliger à quelque chose, une sorte de renouvellement, de reconfirmation permanente de son intégration sociale, hein, et de reconfirmation permanente et potentiellement douloureuse, en tout cas exigeante. Moi j'ai l'impression que cette intuition-là, qui est très générale et forcément vague, elle est ce qui permet de donner à l'ensemble des phénomènes contextuels, des paramètres contextuels que tu as très bien rappelé, une signification au-delà des circonstances du développement de la pensée freudienne. Voilà, c'est ça. Alors là, du coup, je choisis une optique sociologique. Voilà, c'est une thèse psychosociologique globale qui me fait revenir vers le texte de Freud en disant que le texte de Freud, malgré ses particularités et ses bizarreries et les effets de contexte qui le traversent à mille moments, peut recevoir un sens, quoi, hein, dans cette interrogation-là. Maintenant, la deuxième partie de ton questionnement et de ta critique, ouais, sujet éclaté, oui, là, effectivement, comment dire, il est très clair que dès qu'on parle de surmoi, on est dans une vision du sujet qui insiste sur les fractures irréversibles qui le traversent. J'en doute pas un instant. Simplement, je me demande si, pour décrire l'ensemble des phénomènes dont il est question, on ne doit pas, on ne peut pas disposer d'un vocabulaire légèrement décalé par rapport à celui-là. Et je prends une expression qui est dans le texte et qui résume un peu les phénomènes d'autocontrainte dont on a parlé. Freud utilise des mots comme auto-reproche ou auto-sadisme. Aucune difficulté. Quelle est la vision, quelle est l'ontologie du soi ou de l'individualité qui est présupposée par l'usage de telles expressions? D'une part, effectivement, l'idée d'un psychisme déchiré, divisé, livré à des instances qui le tiraillent, qui l'entraînent dans des directions différentes et contradictoires. Mais il y a bien, si tu veux, l'expression même, autosadisme ou autocontrainte, comporte latéralement cette idée que la notion de rapport à soi n'est pas absurde, même dans ces coordonnées-là. Il y a un certain rapport à soi, une certaine façon de mobiliser son énergie qui peut être décrit avec ce vocabulaire-là. J'ai pas l'impression j'ai pas l'impression que l'insistance sur le caractère déchiré du psychisme et sur la multiplicité des instances nous prive définitivement de la possibilité d'utiliser ce genre de vocabulaire. L'individualité, le rapport à soi qu'entretient l'individualité. Il ne s'agit pas de dire que derrière ces expressions, il y a une métaphysique de la subjectivité comme entité substantielle ayant se complétant elle-même. Il n'y a pas de philosophie de la subjectivité lourde qui soit derrière l'usage d'expressions comme rapport à soi, autosadisme ou autocontrainte. Il y a une phénoménologie des attitudes, des activités de l'individu en tant qu'elles peuvent être comprises partiellement comme prenant position à l'égard de soi, comme incarnant une forme de réflexivité. Voilà, j'ai l'impression que ça se situe à deux niveaux différents qui ne sont pas incompatibles. Il y a un vocabulaire à un moment qui peut revenir et qui doit revenir, même compte tenu d'une certaine vision du psychisme. Bon, c'est une question de sémantique, hein, plus que d'ontologie de la subjectivité. D'autres questions ? Oui. C'est peut-être plutôt juste une remarque et peut-être qui a trait en fait au présupposé, j'ai l'impression, je crois, contradictoire entre la position de Karina Bazzuolo et la vôtre. Il me semble que ce qui vous a peut-être dérangé, c'est le fait que dans toute une tradition freudo-marxiste, disons, il y a quand même un présupposé dans la lecture de Freud qui est celui de séparer tout simplement l'individu et le social et de vouloir ensuite en produire la synthèse. Mmh. Alors que d'un côté plus lacanien, disons, on se base beaucoup plus sur une lecture qui serait peut-être celle de psychologie des foules et analyse du moi, qui part du principe qu'il y a quelque chose de l'ordre du transindividuel. Et que donc, du coup, finalement, cette analyse, il n'y aurait pas à produire la synthèse de manière théorique entre le psychisme et le social. Et alors, du coup, moi, je suis dérangée par les deux positions, enfin, par les présupposés des deux positions. Dire que l'inconscient est social me pose problème. Alors, ou alors, peut-être, ce qui me poserait problème, ce serait de dire que l'inconscient s'y réduirait. Parce qu'il me semble quand même que dans la découverte freudienne, dans la découverte, dans l'hypothèse, il y a quand même cette idée qu'il y a un reste, enfin qu'il y a quelque chose d'une asocialité fondamentale qui est là, et Christophe Dejour l'autre jour en parlait. Et d'un autre côté, chez Stéphane Haberge, je suis alors peut-être dérangée par cette idée de prendre un peu comme une évidence cette synthèse. Et vous avez noté tout à l'heure, en fait, à propos d'Adorno, qu'Adorno, en fait, traitait de manière peut-être trop indépendante cette question des destins du surmoi, et notamment à propos de la question du racisme. Et moi, je pense au travail de quelqu'un, enfin, d'Étienne Balibar, en fait, qui justement, lui, qui m'intéresse, et vraiment, je crois qu'il est dans une perspective un petit peu différente, et j'aimerais du coup savoir un peu comment vous positionnez par rapport à ça, qui est justement de pas présupposer cette synthèse et de travailler en fait sur cette espèce d'extrême proximité entre ce qu'il appelle la violence ultra subjective et la violence ultra objective, violence ultra subjective qui va chercher chez quelqu'un comme dans les analyses de quelqu'un comme Fethi Benslama et violence ultra objective. Quelque chose, disons, qui serait proche dans la violence ultra-subjective de ce que Freud appelle le narcissisme des petites différences, quoi, et violence ultra-objective qui serait du côté de ces analyses d'Ogilvy sur la production de l'homme jetable. D'une production de l'homme jetable par quelque chose du marché généralisé, quoi, pour aller vite. Et en fait, il pense ce rapport entre violence ultra-subjective et ultra-objective, non pas du côté d'une synthèse, mais il la pense avec le modèle de la bande de Möbius, en fait, de Lacan, comme deux scènes, disons, radicalement hétérogènes, mais qui ne cessent de passer l'une dans l'autre. Et donc, alors, du coup, ce serait là que viendrait ma question, qui serait moins celle du social, mais celle du politique, de dire, lui, ce qu'il pense, alors après, il faudrait le travailler, hein, c'est qu'il y a un espace du politique, on peut penser quelque chose comme un espace politique à partir du moment où on travaille, en fait, à cet endroit, où on essaye de couper, en fait, ce passage incessant de la violence ultra-objective à la violence ultra-subjective. J'introduis un tiers encore dans cette... une troisième position, disons, j'ai l'impression, peut-être pour demander à Stéphane Haberge d'expliciter davantage la sienne, et notamment en fait cette espèce d'évidence en fait qui m'a dérangée, du fait que on pouvait, est-ce que c'est pas problématique de basculer trop vite du surmoi au capitalisme et du capitalisme au surmoi, enfin il y a quelque chose là qui me qui me dérange. Enfin, un présupposé qui me dérange. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair comme Juste par rapport à l'inconscient social, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'est pas que social. Et ces titres viennent provoquer ce type de discussion au sens où je pense que j'ai lu beaucoup de choses produites dans les champs des sciences humaines et comme en supposant cette opposition. Individu, société, à partir de cette opposition. Et bien évidemment, ma position est plutôt lacanienne, où je pense que la notion de sujet chez Lacan, dépasse la densité, nous permet de sortir de cette idée que la psyché, c'est ce qui appartient à l'individu, et, parce que c'est une sorte d'imaginarisation qui est assez, comment dirais-je, qui ne vient que du sens commun, en fait, et qui manque de conceptualisation. Donc je pense qu'à partir du moment où on introduit la notion de sujet, plus la ternarité symbolique, imaginaire, réelle, et ben là, on a des outils épistémologiques qui sont beaucoup plus puissants de mon point de vue. C'est pour cela que ça m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous dites sur l'espace politique, penser comme une bande de mobius entre ces deux types, on va dire, des manifestations, parce qu'on peut faire le recoupage en effet, hein, et c'est ce qui renvoie à les sphères comprises classiquement comme de l'individu et des phénomènes qui sont classiquement sociaux. Mais c'est un recoupage que nous faisons. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un outil épistémologique qui permette de penser les sons de passage. Donc c'est ça que je peux dire de votre intervention. En fait, c'était aussi peut-être de manière plus générale une réaction avec quelque chose qui moi aussi m'a tenté à un moment, à savoir de rabattre, enfin de chercher à rabattre la psychanalyse ou de la repenser trop vite. Du côté, enfin, à partir ou avec les thèses de Judith Butler, par exemple. Mmh. Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en réalité, ben non, il y avait quand même une hétérogénéité de ce type de thèse, et que du coup, on ne pouvait pas rabattre quelque chose du côté enfin, on ne pouvait pas rabattre les positions symboliques du côté des identités de genre, telles que Butler les pense, par exemple. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai. Oui, c'est aussi dans ce. Parce qu'il y a toute une. Il y a tout un tas de recherches qui vont dans ce sens-là actuellement, mm-hmm. et qui, du coup, je trouve peut-être perdre quelque chose de ce que peut apporter l'hypothèse de l'inconscient, en fait. Oui, et surtout, il ne faut jamais oublier que toutes ces notions déjà construites par Freud essayent de formaliser quelque chose de l'ordre de l'expérience clinique. Mm-hmm. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Comme quoi, les passages à, disons, des zones d'expérience sociale ne peut jamais être fait de manière. On ne peut pas jamais les transporter comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de faire ce travail des passages, bah, il va falloir, je ne sais pas, mettre, comme disait George Bateson, Léonie Bateson, mettre un nœud dans un foulard, dans un mouchoir, pour ne pas oublier que cette notion, elle porte un problème, hein, de ne pas tout de suite l'appliquer. Mais, oui, d'un mot. Individu, société, je suis on ne peut plus convaincu qu'il y a des manières de traiter cette dualité qui mène dans l'impasse et qui sont... dont il faut absolument se méfier. Il me semble que ça va non seulement avec l'enseignement de la psychanalyse, celle que vient de le rappeler Karina, mais que c'est aussi des choses qui, à l'intérieur du champ sociologique, sont bien connues depuis Bourdieu. Hein. Bon, justement, j'ai insisté sur le rôle contrastif que peut avoir la notion d'habitus, hein, dans toute cette affaire-là. Mais c'est une des grandes idées de Bourdieu, hein, une de ses grandes obsessions, hein, que de rappeler qu'il faut disposer d'une série de concepts qui nous permettent de penser au-delà de la position entre individu et société, et de réfléchir sur la manière dont s'opèrent au cœur même de l'activité individuelle des traces, des marques de socialité. C'est pour ça que la notion de transindividualité, soit dit en passant, elle a un côté séduisant, parce qu'évidemment, quand on a une opposition bien rigide, trouver un tiers terme, c'est toujours très excitant. Hein. Bon, c'est toujours séduisant, en tout cas. Mais bon, je renonce. Est-ce qu'il faut renoncer pour autant à l'idée que disposer d'une conception articulée de ce qu'est l'individualité, de son devenir, de ses constituants, de la manière dont on peut expliquer le psychisme, est-ce qu'on peut se passer de l'idée sur laquelle c'est complètement à proscrire? Moi, j'en suis pas persuadé. Une théorie de l'individualité a du sens. Qu'il faille faire attention de ne pas majorer son autonomie, qu'il faille faire attention de ne pas majorer sa substantialité. C'est l'évidence même, d'une certaine façon. Mais je voudrais pas que des grands mots, transindividualité ou intersubjectivité, ça fait plus allemand, transindividualité, ça fait plus français, je voudrais pas que ces grands mots apparaissent comme de nouveaux fétiches qui nous dispensent de prendre très au sérieux ce que c'est qu'une théorie de l'individualité. Dans la sociologie contemporaine, on a, par exemple, tout le trajet qui va de Bourdieu à Bernard Lahire, par exemple, qui me semble confirmé dans un style très particulier. Hein, cette idée qu'une conception articulée de l'individualité, c'est encore quelque chose qui a du sens. Quoi, hein, c'est quelque chose qui a du sens. Quel est l'intérêt que tu trouves? Ben justement, c'est un intérêt essentiellement critique et ça consiste à montrer que les concepts sociologiques forts que nous avons, en particulier le concept d'habitus, peuvent être assouplis d'une façon telle qu'ils nous sortent d'une espèce de privilège, disons, de la moyenne, du global, du statistique, qu'avec ces instruments-là, on peut descendre jusqu'à la singularité individuelle. Hein, c'est quelqu'un qui insiste sur le rôle du biographique, de la singularité. Enfin, je ne veux pas ici l'absolutiser et en faire un nouveau héros, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des moyens dans les sciences sociales contemporaines et dans les sciences humaines en général de tracer des chemins qui ne nous font pas perdre d'intérêt, l'intérêt intrinsèque, hein, la force intrinsèque de ce que nous pouvons dire à propos d'un individu, de sa trajectoire, de sa biographie, de son caractère. Ça ne peut pas occuper tout l'espace, mais c'est pas inintéressant non plus. Et de l'autre côté, alors à contrario, le transindividuel. Et je comprends bien ce que veut dire Balibar, mais quand Balibar, vous rappelez son expression, parle de violence ultra-objective, dans un autre vocabulaire, ça s'appellerait des violences systémiques, hein, des violences systémiques. Alors là, on a bien affaire à quelque chose qui est de l'ordre des contraintes sociales, de l'objectivité sociale, des phénomènes sociaux, des tendances sociales, avec leur poids propre. Et utiliser la catégorie de capitalisme pour désigner certains de ces phénomènes. C'est pas lui, je pense. C'est moi qui ai fait un raccourci. D'accord. C'est pas en soi. Je comprends très bien que la notion de capitalisme fasse peur et qu'il faille faire attention de ne pas en faire un usage réifiant et fétichiste. Ça fait aucun doute. Et je trouve que certaines formes d'anticapitalisme, même dans le monde intellectuel aujourd'hui, reposent sur des facilités rhétoriques inacceptables. Mais que la catégorie puisse être utilisée de manière raisonnable et comment dire, apaisée, ça je n'en doute pas non plus. Ce qui fait que là, on retrouve effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'objectivité sociale dure. Il y a des phénomènes, et réfléchir à la manière dont les individus s'adaptent à ces contraintes objectives lourdes, la manière dont ils y réagissent, la manière dont ils l'incorporent, voilà, tous ces concepts extrêmement simples, elles ne me semblent pas invalidées par tout ce qu'on peut dire par ailleurs sur le primat de l'inter ou le primat du trans. Le paysage des interrogations dont nous parlons ensemble aujourd'hui est très large et très diversifié. Je suis attentif au fait qu'il y a encore des espaces qui peuvent apparaître effectivement plus traditionnels et plus classiques, dans lesquels s'interroger sur la singularité individuelle dans son devenir propre, et s'interroger à l'autre extrême sur l'existence de puissances systémiques, de contraintes systémiques, ou d'ensembles, de collectivités qui ont leur garde son intérêt. C'est pour ça que voilà, je pense pas qu'il faille ici avoir des positions trop totalisantes ayant pour ambition de couper l'herbe sous le pied de ce genre d'approche, quoi. Ça me semble difficile. Mais en fait, moi, j'ai pas voulu. Ma question, elle portait plus sur. Non pas le fait de séparer une conception d'un côté de l'individualité et de l'autre d'une analyse du capitalisme, mais sur, sur la manière dont on peut penser leur rapport. Quoi. Et est-ce que là, il n'y a pas une question importante, enfin, peut-être que vous m'avez répondu que j'ai toujours pas compris. Non, mais, non. Mais ma question, elle portait là-dessus. Parce qu'en réalité, et c'est pour ça que j'ai bien présenté ma question comme un peu m'opposant à chacun de vous, parce que d'un côté, j'ai pas envie de réitérer cette critique de... la psychanalyse nous dit qu'il n'y a pas d'individu, parce que c'est pas vrai. Et d'un autre côté, je suis insatisfaite par la simple synthèse des deux, en fait, que j'ai cru vous lire dans votre présentation. Mais peut-être, voilà, c'était plus dans ce sens-là. C'est une question difficile, c'est une question de méta-niveau, donc. Mais Stéphane, à un niveau plus intermédiaire, dans ce que tu as dit là, ce qui était intéressant, c'était les... Enfin, plein de choses, mais juste à l'instant. C'était les verbes que tu employais, c'est-à-dire pour établir ce lien entre capitalisme, néo-capitalisme ou néolibéralisme, et puis le surmoi, ou le sujet, ou les individualités. Voilà, quels sont les termes que tu emploies. Alors, tout à l'heure, tu as employé adapté, tu as employé incorporé. Donc la question peut être posée comme ça, c'est-à-dire l'influence, l'incidence du capitalisme, on s'en fout comment on l'appelle, sur ce machin qui s'appellerait la subjectivité ou l'individualité, est-ce qu'elle est pensée en termes, je ne sais pas, donc d'adaptation, d'incorporation, de constitution, une sorte presque d'approche constructiviste du surmoi, c'est, hop, chaque période historique, tac, tac, tac, il va se modeler de telle ou telle façon, donc avec quand même une plasticité assez, assez particulière, ou est-ce qu'il serait simplement interpellé, qu'est-ce que ça voudrait dire de reprendre ce vieux terme d'interpeller que tu as utilisé d'ailleurs. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresserait pour que ce soit pas simplement une question que ontologique, mais voir comment le lien se noue. Parce que après, ça renvoie aux questions de Kalina, plus méthodologique sur l'articulation du particulier au général. Et c'est vrai que l'usage, alors moi je parle avec ma casquette de sociologue quand ça m'arrange, l'usage là que tu fais de la sociologie, c'est une sociologie plutôt clinique, où tu fais une lecture critique de la sociologie, c'est-à-dire d'exposer de cas. De cas dans une singularité qui est inscrite dans une historicité, etc., etc. Mais c'est comme ça que tu le mobilises. Une sociologie clinique, ça a du sens, ça existe, c'est ce que fait Vincent de Gaulle, etc. C'est tout à fait légitime. Hein. Mais on pourrait dire que parfois le regard d'Honnête aussi sur le... thématique de réification se fait d'un point de vue clinique, d'un usage clinique. Qu'est-ce que tu appelles un point de vue clinique, je comprends bien. Attentif à des pathologies qui sont sociales, mais dont tu dois avoir des exemplifications individuelles pour dire qu'elles existent. Voilà. Tu as ça dans la théorie du care ou dans la réflexion sur la vulnérabilité, là, ce regard un peu pathologique aussi. Mais là, ça renvoie au-delà de la question du terme de la... Voilà, pour mettre en relation des quelque chose qui renvoie à l'objectivité sociale et puis ce qu'est la subjectivité. Une façon de penser l'articulation, c'est le verbe que tu emploies en quelque sorte, enfin, même d'un point de vue logique. Et après, en arrière-plan, la dimension méthodologique, parce que c'est là où on voit quand même la singularité de ton approche, sa richesse, par rapport à une approche un peu foucaldienne, en disant, t'as un machin qui te produit de la subjectivité, tu sais pas comment ça marche, mais ça te le modèle, ça sort de la machine d'une façon industrielle, là c'est autre chose. Mais cette autre chose suppose que oui, que le conscient existe et que tu touches à quelque chose qui préexiste aux processus qui sont susceptibles de les engendrer ou de les façonner. Qui préexiste, oui, d'une certaine façon, oui. Le point de vue... Et oui, j'aime bien ta définition de la notion du point de vue clinique. Il y a des cas... Ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. Il me semble que des gens comme De Gaulle-Jacques et compagnie ne cherchent pas à approfondir les choses de ce côté-là. Et peut-être parce qu'ils sont obsédés par l'autonomie de l'univers du travail. Alors, moi, j'insiste sur le fait qu'on doit être capable d'établir des liens et des passerelles entre le monde du travail et d'autres univers sociaux. Ça me semble être un enjeu décisif. De conserver une certaine forme de centralité sociologique à l'espace du travail, parce que c'est un lieu où la dimension de contrainte et d'aliénation est à la fois très, très forte et très visible, elle est à nu, et de montrer comment ça communique par des liens qui peuvent être de nombreuses natures différentes avec d'autres univers sociaux. Le point de vue clinique, dans ce sens-là. Maintenant, tu as très bien vu le truc, c'est-à-dire les conceptions totalitaires, les conceptions totalitaires ou les conceptions démiurgiques de l'individu, de l'homo néolibéralis, sont très fortes. D'une certaine façon, le livre, par ailleurs magnifique, de Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde, incarne cette vision-là, avec des nuances, avec une subtilité d'analyse tout à fait remarquable. Mais il y a cette idée, au fond, de matrice de pouvoir dont le néolibéralisme est l'incarnation contemporaine, qui sont capables de produire les individualités de façon industrielle, sans écart, sans résistance. Or, un des aspects de mon affaire, c'est effectivement de réfléchir, mais là c'est assez classique, coordonnée freudo-marxienne pour le coup, c'est de réfléchir à l'origine ou à la source profonde des résistances, des résiliences, des altérités, des extériorités, ou tout simplement des malaises. Des malaises qui peuvent être. C'est intéressant de ne pas fixer la barre trop haut et de penser tout de suite en termes de résistance, comme s'il fallait chercher un principe vital qui ne s'exprimerait que par, disons, le mouvement social ou le mouvement politique explicité et construit. Il faut chercher comment à un niveau plus infra, un niveau plus invisible peut-être, des malaises et des insatisfactions sont possibles. Or, il me semble que l'objection principale qu'on peut faire aux versions foucauldiennes, industrielles quoi, et démiurgiques, c'est que du coup, cette possibilité de penser les sources de malaise et donc indirectement de résistance et de résilience sont particulièrement faibles. C'est évidemment l'enjeu de mon truc. C'est de montrer que ces formes d'auto-aliénation, on n'est pas dans un monde où l'aliénation serait un truc imposé de l'extérieur par une grande machinerie. On est dans un monde où les aliénations ont besoin d'être liées par les individus eux-mêmes. On est dans un monde où les aliénations ont besoin d'être appuyées par l'énergie, l'intelligence aussi, j'insiste, hein, il est question de rationalité, pas seulement d'affectivité, l'intelligence et l'affectivité des individus. Or, l'idée, c'est de montrer que ces aliénations ont aussi une part de dénégation, de défense, mais que de la même façon, elles laissent place à des expériences négatives d'insatisfaction, de malaise, de traumatisme. Ça me semble être un enjeu important. Et c'est ça qui me semble justifier indirectement le passage par les conceptualités de type freudien, même si on peut en faire un usage détourné ou incontextuel. C'est que du coup, la complexité de l'affaire, avec la dimension de complicité, mais aussi de limite à cette complicité, parce que c'est toujours la difficulté quand on pense en termes de complicité, de servitude volontaire ou de choses comme ça. De violence symbolique. Hein. Ou de violence symbolique, c'est qu'on pense bien le principe de la complicité, on n'est pas simplement écrasé par la machinerie, on apporte quelque chose aux forces qui conduisent à notre propre domination et à notre propre aliénation, c'est que ces pensées de la complicité, elles ne sont pas en général très fortes pour penser là où la complicité s'arrête ou s'étiole ou devient moins opératoire ou devient insatisfaisante ou suscite en elle-même un malaise. L'idée qu'il y a des moments que dans un jeu défini par une complicité, par une connivence et par une adhésion, il y a des moments critiques, au sein de la crise, qu'il y a des moments critiques, me semble très important. Or, le monde du travail, il me semble, peu, pour autant que je puisse le voir très indirectement, le monde du travail peut être abordé de cette manière-là. Beaucoup d'expériences, d'après ce que je lis en sociologie et en psychologie du travail, peuvent être écrites de cette manière-là. Les gens ne sont pas simplement exposés à une machine inhumaine qui les écrase, on leur demande d'adhérer, on leur demande de jouer le jeu, on leur demande d'y mettre leur énergie. Ça marche dans une certaine mesure, mais il y a des moments critiques où cette adhésion se défait, où le roi est nu, quoi. Et il me semble que l'expérience du travail conserve un privilège méthodologique dans la mesure où elle résume cette complexité des phénomènes par laquelle il y a adhésion, mais adhésion limitée ou adhésion capable de, de s'effondrer, tout simplement, de révéler l'absurdité des choses, ou alors de déboucher sur des phénomènes quasi pathologiques. C'est ce que Dejour avait vu déjà il y a depuis 15 ans en parlant de suicide au travail. Hein, le suicide au travail étant en quelque sorte la manifestation extrême de cette pulsion de mort, embrigadée, mais destructrice. Donc voilà, ça suppose. Je pense que si on réfléchit avec le cas du travail, hein, avec le cas du travail qui est vraiment paradigmatique dans mon affaire, hein, avec le cas du travail, on voit bien que on peut réfléchir d'une manière telle que l'articulation des dispositifs et des formes individuelles a d'abord, voilà, pour te répondre plus clairement, que le concept de complicité ou le concept de connivence ou d'adhésion sont au cœur de l'affaire. Sont au cœur de l'affaire. Plus que le concept de fabrication au sens démiurgique, le modèle foucaldien que tu contestais, c'est ce concept-là qui est intéressant. Mais avec l'idée que cette complicité, elle a toujours ses moments de vérité, qu'elle est parfois amenée à produire, à se heurter à un mur d'effectivité qui la renvoie à elle-même et renvoie l'individu à sa solitude. Donc tout ça suppose effectivement... Oui, c'est ça, primauté épistémologique du concept de complicité, connivence, adhésion, parce qu'il est quand il est capable de penser ses propres limites, quoi. Plus adaptation, dans d'autres circonstances, va très bien. Je ne vois pas pourquoi on exclurait d'autres concepts intéressants de cette affaire-là. Adaptation est très bien aussi. Mais le monde du travail est le monde où l'adaptation se fait toujours en mobilisant l'énergie individuelle, l'intelligence individuelle à des degrés de profondeur tels que ça va toujours plus loin que la simple adaptation. Donc voilà un peu le... Et du coup, là, ces termes de complicité, adhésion, connivence, qui sont... Quel est le rapport, en fait, plus profondément, quel est le rapport de l'aliénation et du plaisir, en fait, c'est ça que vous êtes... Oui, c'est ça, oui, la question du plaisir, en effet. D'une certaine façon, la complicité, c'est ce par quoi un élément provenant de la contrainte est intériorisé au prix d'une forme d'érotisation ou d'adhésion ou d'insertion d'une part de plaisir. Effectivement, Mais du coup, le plaisir comme moment d'aliénation... Pas en tant que tel, mais comme composante de l'aliénation. C'est le poisson dans l'eau. Est-ce que c'est le... Parce que j'ai l'impression que vous... dans l'opposition entre sur-moi et idéal du moi, vous tendez plus côté sur-moi et du coup, plutôt finalement comme si vous reveniez un petit peu sur une théorie de l'incorporation. Ouais. Je partais encore une fois de quelque chose qui me vient de mes lectures de ce sujet du travail, c'est-à-dire l'idée que les dispositifs néolibéraux ont plutôt fait peser la balance du côté surmoïque, par opposition à un monde, fordiste, qui avait tenté, par certains côtés, de jouer sur la corde de l'idéal du moi. C'est cette hypothèse-là que j'ai cru pouvoir tirer de certains travaux de sociologie, sociologie du travail. Donc je ne pars pas d'un point de vue anhistorique et transcendant. C'est ces formes-là qui sont différentiellement privilégiées. Hein, mais peut-être que le diagnostic est beaucoup trop général et du coup ne permet pas d'aller jusqu'à l'effectivité et à l'élément individuel et clinique. Mais... voilà, il y a quelque chose hein, dans ce que Ehrenberg avait appelé le culte de l'excellence, enfin bon, des phénomènes qu'on a tous en tête, hein, l'auto-implication contrainte, hein, dit de jour, qui vont dans ce sens-là. C'était pas une vision... et du coup, on est le poisson dans l'eau. Ben, le poisson dans l'eau, non, parce que je pense que on peut constater, et là aussi ça relève de l'empirique, que ces expériences d'adhésion, d'emballement, de cette manière de surjouer les obligations managériales, par exemple, se heurtent dans les faits souvent à des limites ou débouchent vers des résultats critiques. C'est un phénomène dont l'existence même montre que on peut pas développer une thématisation de type poisson dans l'eau. Donc le modèle sportif là, oui, c'est juste relativiser le monde sportif comme représentatif un peu du monde de l'entreprise, comme je sais pas Jean-Marie Brault, oui, ou Ehrenberg lui-même hein, qui avait insisté sur le caractère paradigmatique. Ça, c'est déjà un truc qui date des années 90, hein, mais qui garde leur intérêt. Hein. L'idée que la performance sportive comprise non pas comme accomplissement individuel, mais comme ponctuation d'un processus d'accroissement infini et illimité, avait joué un rôle important dans les transformations de l'image du travail hein, et dans les transformations culturelles. Cette hypothèse très très générale, hein, qui relève effectivement d'une espèce de sociologie de la culture très essayiste, quoi, hein, est pas inintéressant cependant, parce que ça nous permet de penser à la place à l'entrecroisement de l'effort et du plaisir. Quoi. C'est ça qui m'intéresse dans le sport. C'est une des expériences, la performance sportive, une des expériences les plus simples qu'on puisse nommer à l'heure actuelle pour montrer cet entrecroisement de la performance, de la peine et du plaisir. Hein, cette espèce de syndrome hein, performance-peine-plaisir. C'est pour ça que ça m'intéressait. Il y a quelque chose sur le dépassement des limites. Oui. Le dépassement, le fait de repousser toujours absolument. Les limites qui vient jouer avec tout le vocabulaire sur la liaison, des liaisons, la possibilité de la poser aussi cette limite. Parce que absolument. Moi, je ne suis pas très au clair du coup sur la méchant idéale du moi et sûrement la répartition entre ce dont vous parlez sur l'époque fordiste et puis maintenant. Parce que pour moi, justement, actuellement, il y a quelque chose dans l'ordre du discours managérial qui est de on vous vend un idéal du moi. Justement avec tout ce champ de l'excellence, etc., qui en fait implique un surmoi très fort, mais on vous le vend comme étant c'est comme quelque chose qui justement est de l'ordre de l'auto de la réalisation de soi, l'auto-engendrement, etc. Et donc pour moi, on nous met dans une injonction contradictoire où on nous fait croire un certain discours, mais en fait qui implique et donc c'est là où ça ne peut que créer du malaise. Il ne peut que y avoir ce malaise-là. Et pour moi, à l'époque fordiste, on n'était pas là. On était vous n'adhérez pas au but de l'entreprise. On vous demande pas ça. On vous demande pas de faire vôtre les buts de l'entreprise. Il y a une distinction quand même claire entre vous travaillez pour une entreprise. On vous demande de bien faire votre travail. On ne vous demande pas d'être intrinsèquement en accord avec justement la puissance détachée. Ouais. Que maintenant, c'est ça. On vous demande même plus d'être compétent, on vous demande d'être, d'avoir un savoir-être, d'être dans le savoir-être. On ne vous demande pas du savoir-faire, du savoir-vivre, on vous demande du savoir-être maintenant dans les entreprises, mais justement aussi dans tous les autres champs sociaux sur lesquels ça vient déborder, pour travailler en équipe de la meilleure manière qui va faire qu'on va pouvoir tous réaliser les buts qui sont les nôtres, hein, mais qui sont en fait ceux de la fameuse puissance détachée. Donc c'est, pour moi, il y a un vrai mensonge. On nous fait prendre des récits pour des lanternes et on nous met dans une injonction contradictoire qui, au bout d'un moment, est complètement incapacitante. Alors là, pour le coup, l'actualisation de la puissance d'agir, je vois pas comment c'est possible. Par rapport à ça, depuis un bon moment, je voulais te dire qu'il y a quelque chose qui me vient, qui a dit Lacan, à un moment donné, je ne me rappelle pas où, je ne sais pas si c'est ça maintenant, mais en anticipant d'une certaine manière, c'est un moment où il essaye est en train de dire qu'est-ce qu'il lit de la société contemporaine à lui, et c'est ce qui va venir. Et il dit, justement, ça va t'intéresser, que c'est un surmoi terrible, celui qui vient, parce qu'il leur donne d'échouir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est la tête de Gigi aujourd'hui, j'ai Gigi qui comprend beaucoup cette idée. Oui, non, la chambre. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Mais vous en avez parlé, hein. Oui. Et donc, c'est un ordre. Tout à fait, c'est sur moi, là. C'est un ordre. C'est pas. Et donc, tu vois, c'est pas les sous-moi que toi en tirais de la textualité freudienne, donc qui serait souffre. Oui, oui. Hein, châtie-toi, c'est pas celui-là. Oui, mais c'est de l'autocontrainte. Sauf que c'est une forme de malaise nouvelle. D'accord. Avec un autre visage, on va dire. Mais qui a tous les composantes Mais je vais prendre la définition de la santé par l'OMS pour voir ce que le c'est. Le bien-être, well-being. Le bien-être complet, aussi bien psychique, physique que social. Enfin, en gros, l'état de nirvana. Le bien-être, c'est devenu l'expression clé de cette affaire-là dans les organisations internationales. Ça met 90% des gens en état de mauvaise santé, quoi. Et bien, les DSM-4, c'est ça. Les DSM-4. Tout le monde est malade. Oui, ça, on est tous malades. Il faut savoir dans quelle caisse on met, c'est tout, mais. Oui, c'est vrai que quand on lit DSM-4, on se sent mal après. Je suis là. Quand t'es plus. Mais merci pour votre intervention, c'était très, très intéressant. Mais bon, ça prouve comme d'habitude que ces questions-là sont très embrouillées. Et l'idée de faire correspondre à des périodes historiques des formes de surmoi, et bon, je pense qu'il faut éviter ce genre de raccourcis, même s'il y a des tendances. Simplement, il y a un phénomène qui est intéressant. Les grosses formes d'organisation classique pré-néolibérale étaient légères sur le plan des engagements individuels. C'est une question difficile et probablement qui n'appelle pas de réponse univoque et simple. Mais quand on pense aux grosses, aux grandes organisations de l'état social classique, l'hôpital, l'école, ça supposait des formes conformistes et sacrificielles d'individus. Je ne sais pas, pensons aux instituteurs au sens classique, aux infirmières. Et ça c'est des formes d'individualité. Comment les décrire? Oui, la notion d'idéal du moi était très forte. C'est-à-dire les individus institutionnels rigides, hein, qui ont compté plus en Europe qu'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, mais ça correspondait à quelque chose, quoi. Et pour moi, c'était pas quand même des individualités qui étaient purement produites par l'inertie des traditions chrétiennes ou post-chrétiennes. Les grosses organisations de l'état social classique ont quand même généré ou accompagné la promotion de formes d'individualité qui avaient un côté austère, rigide, hein, post-calviniste, hein, d'une certaine façon. Pourquoi tu ne généralises pas aux salariés? C'est le rapport au temps, c'est par rapport à l'accès, la consommation, les enfants, la retraite. Des formes de conformisme. Tu sais, toujours l'idée d'un temps à venir où tu ne le fais pas pour toi, tu le fais aussi pour tes enfants. Ouais, c'est ça. Parce que tu t'intègres à la société du travail, la figure du syndiqué, la foi dans la croissance. Tu ne t'adhères pas à l'entreprise, mais tu adhères aussi à tout un modèle de prospérité matérielle. Vous avez parlé tout à l'heure, c'était les grands buts sociaux, cette espèce de bien commun, etc. C'est vrai, tu peux avoir du bien commun. Moi, je trouve justement cette idée de la puissance détachée qui n'a plus que ses buts à elle, qui n'a plus rien à voir avec le bien social, le bien commun. Tendanciellement. Voilà, c'était en ça que c'était par rapport après, à cette distinction-là, en fait. Est-ce que ces phénomènes-là peuvent être décrits en termes d'idéal du moi? Oui, ça me semble pas impossible. Voilà, c'est des idéaux. C'est assez proche d'ailleurs de certains exemples que donne Freud dans son livre de 1914 sur le narcissisme, hein, c'est très clair. Ouais. Mais là, c'est une question, je ne sais pas vraiment comment la tourner, mais quand on observe le social, donc là en l'occurrence, ce qui est pas très limite, ce qui se raconte, comment doit fonctionner l'entreprise, qu'est-ce que c'est que le salariat, que le modèle sportif, qu'est-ce que c'est. Donc on est un peu l'idée de société comme texte et qui fournit à ses membres des mythes qui mettent en désir les choses. Ou qui sont une expression. Alors est-ce qu'ils mettent en désir ou est-ce qu'ils sont une expression de désir bref. Et pour le sociologue, comment faire la part de ce que Freud décline comme latent et manifeste. Ce qu'on a vu aussi chez Lacan hier, on a un peu bossé là-dessus, le mythe comme rêve et le mythe comme contenu manifeste auquel il faut essayer de trouver quelque chose de latent ou de plus profond qui répondrait plus à des mécanismes inconscients. Voilà. Comment est-ce qu'on s'y prend? Et je rajoute une petite note de bas de page à ma question. Qu'est-ce que c'est que le psychique, finalement, dans ce que vous, comme vous l'abordiez, quel est son, comme vous évincez un petit peu cette les instances du psychique, son côté séparé, éclaté, en tension, conflictuel, vous avez un petit peu tendance à en faire, à pas trop rentrer, je pense pas que vous avez un sien, mais vous le gardez un petit peu comme ça. Donc, il y a une mécanique psychique qui se rentre en congruence, qui rentre en articulation plus ou moins heureuse avec ces textes mythiques. Et du coup, là pour le sociologue, en train d'analyser ou d'interpréter le social, moi, je rencontre dans mon travail même une difficulté épistémologique grande, parce que comment est-ce qu'on, dans la société moderne, comment est-ce qu'on va isoler un mythe? C'est extrême. Moi, je travaille sur la randonnée pédestre. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un mythe de nature dans notre société, qu'il y a un mythe complètement éparpillé, qu'on va retrouver sur les boîtes de céréales d'un côté, chez Decathlon de l'autre, mais qui est présent chez les randonneurs et qui semble motiver quelque chose. C'est très intéressant ce que vous dites, opposant le latent et l'explicite, mais il y a un mot pour parler de tout ça dans le langage du marxisme traditionnel, c'est l'idéologie. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre la notion d'idéologie comme une façon d'exprimer la part explicite de ces désirs ou de ces tendances latentes dont vous parlez très bien? Or, le propre de toute cette affaire-là, c'est qu'il existe des explicitations, des rationalisations typiques de cette affaire-là. Depuis tout à l'heure, les uns et les autres, on a beaucoup parlé du management, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un lieu de quasi-théorisation de tout ça, quoi? Non, c'est une thèse d'ailleurs banale, même d'un point de vue boltanskien, par exemple. Voilà, est-ce que le propre de la rationalisation contemporaine, c'est pas justement de produire via le discours savant, gestionnaire ou économique, des explicitations ou des légitimations supérieures de ces contenus que vous qualifiez de latent? On pourrait voir ça, quoi. La notion d'idéologie comme permettant de nommer la sortie hors de la latence, quoi, de cette affaire-là. Bon. On reste là, c'est l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.